Chapitre 14e, trop tard. Il se glissait d'arbre en arbre jusqu'à la lisière du bosquet et Hervé le suivait en observant les mêmes précautions. Au dernier rang, dissimulé derrière un tronc majestueux, les deux gentilshommes virent étaler devant eux le parc et le jardin. De nombreux arbustes taillés leur offraient des cachettes sûres. Aussi, sans perdre de temps, les deux amis avancèrent-ils, traversant rapidement les espaces découverts, pour gagner quelque abri d'où ils continueraient à inspecter les alentours. Bientôt, ils aperçurent les bâtiments du cloître. « Nous y voilà !» fit Belcoeur tout bas. Il y avait à franchir, pour atteindre la bâtisse, une grande étendue unie sur laquelle ouvraient toutes les fenêtres de cette façade du couvent. Roselin méditait la meilleure manière de s'y aventurer et observait attentivement les lieux. « Tu entends, Hervé ? » murmura-t-il. Un tintement grêle retentissait, traversant lentement l'air calme et ouaté du soir enténébré déjà. C'était une cloche qui égrenait ses sons menus prolongés avec des intervalles espacés. « Le salut, sans doute, » émit Pont-Réal. Au même moment, en se penchant, Roselin aperçut à sa gauche un clocher d'où venait la sonnerie. « Là, » fit-il, « la chapelle du couvent. » Hervé regarda et brusquement se renfonça en arrière. « On vient, » souffla-t-il. Une nappe lumineuse venait d'animer le porche des bâtiments. La chapelle était éclairée et la porte s'ouvrait à deux battants. Des chants s'élevaient, accompagnés d'un léger piétinement et des vibrations plus sourdes et plus lointaines d'un orgue. Alors, devant les yeux stupéfaits des deux gentilshommes cachés derrière un massif de troène, une scène étrange se déroula. Lentement, très lentement, d'un pas de procession, une blanche théorie sortait de la porte de la chapelle. C'était toute la communauté qui, en rang écarté, défilait avec une régularité impressionnante. Une double file de religieuses vêtues de blanc, sous leur long voile léger, dont les plis tombaient droit le long du corps, passait. La tête baissée, les mains jointes, les nonnes psalmodiaient des cantiques, et leur voix pure et frêle montait, mélancolique et douce, troublante, presque angoissante, dans la tiédeur silencieuse de ce soir d'automne. On eût dit un cortège de lys. Au milieu des deux files, un large espace s'était réservé. Par instant, y apparaissaient quelques personnes isolées. D'abord, une religieuse élevant très haut la longue croix d'argent, symbole de la dignité abbatiale. Puis, quatre autres sœurs, l'une portant le livre des évangiles, l'autre le Saint-Ciboire, la troisième les buires de vermeil, la dernière l'ostensoire d'or. Derrière elle, un prêtre revêtu d'une chasuble éclatante dont les reflets étincelaient à chaque pas. Ensuite, une autre nonne, balançant un encensoir d'où montait une fumée bleuâtre et aromatique. Soudain, Hervé poussa une sourde exclamation de surprise, d'effroi, d'émotion. « Violaine !» Belcoeur lui serra fortement le bras. Lui de même avait reconnu la jeune fille. Seule, à 10 pas de la nonne, portant l'encensoir, elle apparaissait blonde, blanche, virginale, irréelle, telle une vision céleste. Un long et ample voile fin la recouvrait toute, tombant en plis sculpturaux du haut de sa tête, l'entourant d'une sorte de nimbe mystérieux et candide. Les mains jointes, elle aussi, la tête légèrement inclinée, elle allait, semblant immatérielle, au point qu'on n'eût pas cru qu'elle marchait, mais qu'elle était soulevée de terre, comme ces visions fantomales des cauchemars. « Mon Dieu !» balbutia Hervé au comble de l'anxiété. « Que se passe-t-il » « Tais-toi !» ordonna Roselin. Le cortège se déroulait. Là-bas, dans la chapelle illuminée, rougeâtre sur la pénombre, l'orgue envoyait des harmonies graves et solennelles. Les chants des vierges montaient plus aigus, plus aériens, et la cloche les martelait implacablement de son tintement régulier et triste. Une appréhension irraisonnée assaillait Hervé. Il ne savait point ce que signifiait ce spectacle qu'il voyait pour la première fois de sa vie, et qui s'offrait là, devant lui. Mais il savait que Violaine en était un des acteurs, le principal peut-être. Pourquoi marchait-elle seule, derrière le prêtre, au milieu de la double file des nonnes? Malgré lui, les nerfs du jeune homme étaient affectés par cette scène, cette sonnerie de cloches, ces chants liturgiques, ces sons d'orgue. Par tout ce que ce crépuscule automnal avait de doux, de poétique, de déchirant. « Roselin, » bégaya-t-il affolé, « je t'en prie, montrons-nous. Que Violaine sache que je suis là, qu'elle me voit, qu'elle me parle, qu'elle me dise ce que signifie tout ceci. Gévrey lui met la main sur la bouche. « Tais-toi » commanda-t-il encore. « Attends, nous saurons tout à l'heure. Patience. » Lui-même, au fond, était inquiet. Un malaise le tourmentait, venu des mêmes causes que celui qui tenaillait son ami. Mais il se disait qu'ils assistaient tous deux à quelques cérémonies rituelles de la communauté, et que si Violaine était seule, à part des religieuses, c'est qu'elle n'avait point fait de vœux, n'était pas encore consacrée à Dieu, et ne pouvait par conséquent point se joindre à ses compagnes. La tête de la procession atteignait aux portes de la façade. Les premiers rangs des nonnes s'y engouffrèrent et peu à peu toutes suivirent. En voyant le prêtre entrer et disparaître, Hervé se dit que son aimée allait franchir ce seuil à son tour, qu'il ne la reverrait peut-être plus jamais. Et sous le coup de ses pensées rapides comme l'éclair, il poussa un cri strident en se précipitant soudain vers le cortège. « Violaine ! » appela-t-il, éperdu. Il avait mis dans ce cri, dans ce nom chéri, toute sa tendresse, toutes ses anxiétés, toute son adoration. « Insensé !» murmura Belcoeur. Il suivit aussitôt son ami, désireux de le retenir, de l'empêcher de commettre quelque action folle. Mais le cri de Pont-Réal et l'apparition de deux hommes bouleversèrent les religieuses. Elles poussèrent des exclamations d'effroi. Les rangs se confondirent, se rompirent, toutes ces pauvres filles se poussant vers la porte du couvent pour fuir. À l'appel de son nom, Violaine avait tressailli. Elle s'était arrêtée net, avait tourné vers les deux survenants son visage pâle et grave, laissé échapper une plainte faible, un gémissement craintif. Et tandis que ses compagnes, se bousculant, s'échappaient vers la porte, Violaine restait immobile, droite, comme fichée sur place, regardant avec des yeux agrandis celui qu'elle avait reconnu tout de suite, Hervé, son tendre fiancé, son frère coupable. Puis, avec une exclamation étouffée, elle défaillit et serait tombée si le prêtre ne l'avait retenue. Car seul avec Violaine, il n'avait pas cédé à l'apeurement général. Il était homme, et son cœur mâle avait fait face à la menace inattendue. Il entraîna Violaine inanimée et avec elle disparut dans l'intérieur du couvent. Hervé, lui, avait couru vers sa fiancée. Mais Roselin put le joindre avant qu'il fût arrivé près d'elle. Givry maintenait à présent le jeune Maltan et hagard, et lui disait d'une voix sévère « Es-tu fou? Vas-tu commettre un sacrilège? Malheureux, arrête! Tu vas perdre Violaine pour toujours !» Cette menace ramena la raison dans ce cerveau égaré par l'amour et par l'angoisse. Hervé fit deux pas en arrière, regardant Violaine, emportée, évanouie par le prêtre, et de larmes coulèrent de ses yeux. Mais déjà des religieuses plus âgées accouraient, bravant le péril, et se dirigeaient vers les deux amis. « Impie ! » s'écria l'une d'elles, véhémente et indignée. « Que venez-vous faire ici ? N'avez-vous pas honte ?» Belcoeur interrompit ses diatribes et, se découvrant avec un infini respect, il prononça. « Madame, un motif grave et urgent nous appelait à votre couvent. Nous avons demandé l'autorisation d'y entrer, on nous l'a refusé. Comme nous ne pouvions différer, nous nous sommes introduits par le parc. Croyez que nos intentions sont nettes et louables. La nécessité seule nous a obligés à recourir à des moyens. Vous mentez ! » s'écria la nonne. « Si vous ne veniez pas ici avec de mauvaises pensées, pourquoi avoir effrayé nos religieuses, avoir provoqué cette frayeur, ce désordre ? La justice criminelle de la province sera prévenue et vous paierez cher votre odieuse action. » Belcoeur s'inclina et répondit. « Nous ne chercherons nullement à nous soustraire aux conséquences de notre conduite. Qu'aisément nous expliquerons. Pour l'instant, madame, nous désirions parler à la supérieure de ce couvent. C'est pour cela que nous avons tout risqué. Nous gardons les raisons les plus pressantes de la voir. » « La supérieure est à la chapelle, en prière. »« Veuillez nous conduire vers elle, madame, je vous prie, » demanda Givry avec une autorité souveraine. La vieille religieuse, intimidée, malgré elle, par la mine et l'attitude du gentilhomme, comprenant qu'il devait dire vrai et qu'un motif impérieux le guidait, répondit, plus amène, « Venez. De toute façon, d'ailleurs, il faut qu'elle soit mise au courant de ce qui vient de se passer ici. » Elle marcha vers la chapelle, escortée de quelques autres nonnes, et suivie de Belcoeur et d'Hervé, déplorant maintenant la démence qui l'avait poussée tout à l'heure. Le groupe était arrivé à la porte de la chapelle. L'orgue se taisait, la cloche ne tintait plus. Le sanctuaire était calme, vide, silencieux. Une sœur éteignait des cierges. Une tiédeur, mêlée à des odeurs d'encens, flottait dans l'air. Les deux amis furent impressionnés par cette atmosphère spéciale qui régnait dans les lieux de recueillement. Dans le chœur, à genoux, dans une stalle sculptée, une femme se distinguait, tête penchée, mains jointes, les plis du vêtement sombre se détachant mal du chêne bruni de la stalle. La supérieure. La vieille religieuse courroucée s'approcha d'elle, lui parla bas, et Roselin vit la supérieure faire un sursaut de stupeur, puis tourner ses regards vers eux. Il s'avança, suivi de Hervé. L'abbesse s'était levée, et elle paraissait grande, de maintien majestueux, avec un visage grave et impassible. Belcoeur et Hervé saluèrent profondément. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » Le capitaine se nomma pour Réal et dit « Pardonnez-nous, madame, notre présence ici en de telles circonstances, mais il fallait, à tout prix, que j'eusse avec vous, ce soir même, un entretien. Et vous n'avez pas reculé devant un sacrilège ? J'ai tout tenté pour l'éviter, madame. Alors, nous en avons été réduits à des moyens extrêmes. Mais puisque nous voici devant vous, et que c'était là notre but, daignez m'écouter, et vous apprécierez ensuite notre culpabilité. » Ébranlée, elle aussi, par l'attitude loyale et noble de Belcoeur, par ses paroles respectueuses et dignes, l'abbesse dit « Parlez, monsieur. » Nous sommes venus vers Mademoiselle Violaine de Beauvilliers, qui s'est retirée près de vous il y a quelques jours, dans l'intention d'embrasser l'état religieux. Que lui vouliez-vous ? La détourner de cette résolution qui n'a nulle raison d'être maintenant, les motifs qui ont poussé Mademoiselle de Beauvilliers à entrer en religion n'existant plus à l'heure actuelle. À mesure que Roselin parlait, le visage de la supérieure donnait des indices de la plus vive agitation. Belcoeur ajouta, déférant, « Sera-t-il possible, madame, de faire venir ici Mademoiselle de Beauvilliers afin que nous lui remettions des documents et lui fournissions des explications qui, sans aucun doute, changeront aussitôt ses projets ?» La supérieure baissa la tête et resta silencieuse quelques secondes, puis murmura très bas, « Hélas, madame !» interma Hervé, frémissant, « Je vous en supplie. Violaine est ma fiancée. Elle ne peut renoncer à moi. Faites-la venir. Rendez-la moi, pour l'amour du Christ. » La supérieure leva sur le jeune homme un regard compatissant et profond, plein de tristesse, et laissa tomber ces mots. « Trop tard. »« Comment ?» bégayait Hervé. « Trop tard, pourquoi trop tard ?» Il attendait, tremblant, convulsé, farouche. L'abbesse, lentement, avec effort, répondit « Vous avez vu tout à l'heure la cérémonie, la prise de voile. »« Oui, la prise de voile, mais alors, Violaine, elle a prononcé ses voeux à tout jamais. » Un cri d'infini désespoir, de détresse surhumaine. « Oh !» Et Hervé s'abattit sur les marches de l'hôtel. Ainsi s'achève le capitaine Belcoeur par Georges Spitzmüller.